Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la mission Apollo 11 et le premier pas de l'homme sur la Lune. It's one small step for man, one giant leap for mankind. It's very pretty out here. C'est le 21 juillet 1969 que Neil Armstrong prononce cette phrase devenue célèbre. C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Ce jour-là, Neil Armstrong devient le premier homme à marcher sur la Lune. Ce jour-là, les États-Unis remportent également l'audacieux pari qu'ils ont pris quelques années auparavant d'envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. En pleine guerre froide, ce sont donc finalement les Américains qui remportent cette course folle pour la conquête de la Lune qui les oppose depuis quelques années à leurs adversaires soviétique. Six, five, four, three, two, one, zero. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Mesdames et messieurs, un moment tout à fait mémorable, l'homme en route vers la Lune. Et il semble bien que ce soit un lancement tout à fait réussi auquel nous assistons présentement. La puissante fusée Saturn V transporte la cabine Apollo 11 vers l'espace. Le panache de feu qui suit à certains moments à un demi-mille de longueur. Le tout semble vraiment aller à merveille. On suit actuellement encore par des caméras de télévision. La pression dynamique présentement est à son maximum, évidemment, et nous assisterons dans quelques instants à la séparation du premier étage. Ceci doit s'effectuer précisément à 2 minutes et 15 secondes après la mise à feu. Henri Bergeron et Michel Sicotte qui décrivent le 16 juillet 1969 le décollage de la fusée qui va conduire l'équipage d'Apollo 11 sur la Lune. Pour revenir sur cette mission historique d'Apollo 11, je reçois l'astrophysicien Robert Lamontagne, qui est coordonnateur du Centre de recherche en astrophysique du Québec. Robert Lamontagne, bonjour. Bonjour. Quelle place ça occupe? Quelle importance a cette mission Apollo 11, Robert Lamontagne, ce premier pas de l'homme sur la Lune également, dans l'histoire de la science? C'est capital. En fait, pour la toute première fois dans l'histoire de l'humanité, nous quittons notre berceau. Pour la première fois, les humains atteignent un autre objet dans l'espace. Après avoir fait le tour de la Terre et obtenu de très jolies photographies, bien, pour la première fois, on se déplace. Et là, maintenant, on entre dans une ère d'exploration habitée de l'espace, d'autres corps célestes. Ouais, donc, c'est très, très significatif. Il avait probablement pensé à sa phrase, Neil Armstrong, mais c'est vraiment ça. Là. Il y a un pas, mais vraiment tout un pas de franchi sur le plan scientifique, sur le plan de l'aventure humaine. Absolument, absolument. C'est l'équivalent des navigateurs européens qui s'étaient lancés à l'assaut de l'Atlantique ou tentaient de faire le tour du monde. C'est un pas dans l'inconnu, finalement, réussi, heureusement, et qui marque, disons, le début de la grande aventure humaine dans le cosmos. Ouais. 500 millions. On dit qu'à l'époque, 500 millions de personnes sont devant leur petit écran, regardent la retransmission de ce fameux premier pas de l'homme sur la Lune en direct. Vous étiez parmi ces 500 millions de téléspectateurs. Oui. Racontez-nous un peu comment ça se passe pour vous. Je ne sais pas quel âge vous avez à ce moment-là, mais quel souvenir vous gardez de ça? Alors, j'ai 12 ans en 1969 et on est émerveillés. En fait, on a eu une permission spéciale, les enfants à la maison, pour regarder les astronautes sur la Lune parce que ça se passait en fin de soirée, dans la nuit du 20 au 21 juillet. Donc, on avait une permission spéciale pour se coucher un peu plus tard. Et donc, c'est absolument impressionnant. On voit ces espèces de fantômes qui débarquent sur la Lune. Et je me souviens spécifiquement d'être sorti dehors pour regarder la Lune. Et j'ai probablement pas été le seul. Il y a dû y avoir des centaines de milliers de personnes qui ont fait la même chose. Regarder la Lune, se dire... Il y a quelqu'un là-bas maintenant. Alors, il y a quelque chose... J'en parle et j'ai encore les frissons de l'expérience. Quelque chose de surréel là-dedans. Absolument. Ouais. On a quelqu'un qui est maintenant à 400 000 kilomètres de sa maison, finalement. Trois hommes qui sont sur la Lune. Un qui en fait le tour et deux sur la Lune. Et c'est la première fois qu'on foule un autre objet que la Terre. Et c'est à ce moment-là, je pense, que le gamin que vous étiez se dit, finalement, je ne serai pas pompier. Tout à fait, je veux dire. Et je suis certain que je ne suis pas le seul à l'avoir pensé. Je veux dire, tous les petits garçons, toutes les petites filles de cet âge, au début de l'adolescence, on regarde ça, puis, ben voilà, c'est ce qu'on veut faire. Ça a l'air tellement cool d'être un astronaute que c'est ce qu'on va faire. Et j'ai d'ailleurs croisé, il y a quelques années, l'un des derniers moonwalkers, Harrison Schmitt, qui est en fait l'avant-dernier à avoir foulé le sol lunaire. C'est un monsieur de plus de 85 ans maintenant. Et après, une fois qu'on s'est présenté, je l'ai taquiné gentiment en lui disant que je le blâmais pour ma carrière d'astronome et d'astrophysicien. C'est à cause de gens comme lui que j'ai décidé d'aller en sciences et moi aussi un peu de toucher aux étoiles. Alors, je suis sûr qu'il y a plein de jeunes garçons et filles de cette époque qui ont décidé exactement la même chose. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal. Je crois que cette nation devrait s'engager à envoyer un homme sur la Lune et à le ramener sur Terre d'ici la fin de cette décennie. Aucun autre projet ne sera aussi impressionnant, important, difficile et cher à accomplir que cette exploration spatiale. Or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Nous avons décidé d'aller sur la Lune et d'accomplir différentes choses au cours de cette décennie, non pas parce que ces défis sont faciles à relever, mais bien parce qu'ils sont difficiles. Toutes ces actions vont nous permettre de maximiser notre talent et notre énergie, et nous saurons bien relever les défis qui s'offrent à nous. One we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Le président John Fitzgerald Kennedy, lors d'un discours au Congrès le 25 mai 61, discours célèbre, puis, tout de suite après, à l'occasion d'un autre discours à l'Université Rice, autre discours célèbre, le 12 septembre 62. Dans quel contexte, Robert Lamontagne? Ça nous en donne une petite idée déjà ce qu'on vient d'entendre, mais dans quel contexte commence cette aventure des missions Apollo? En fait, c'est le président Kennedy met la table et lance un défi à la nation américaine, et c'est un défi audacieux, parce que la première fois où il fait ce discours, en mai 61, les Américains ont à peine réussi à envoyer un homme dans un vol suborbital au-dessus de la Terre, donc une espèce de saut de puce. On monte et on redescend 15 minutes plus tard. Ils n'ont pas réussi à mettre un homme en orbite autour de la Terre. Il faudra attendre John Glenn au début de l'année 1962. Alors, il y a quelque chose d'absolument audacieux à prétendre qu'on va réussir à atteindre la Lune, qui est extrêmement loin, 400 000 kilomètres, qu'on va réussir à atteindre la Lune avant la fin de la décennie. Oui. Si on replace ça dans le contexte, là, c'est comme si aujourd'hui, en 2019, quelqu'un nous avait dit en 2010 qu'on allait accomplir un exploit important dans l'espace. Je ne sais pas, moi, mettre une station spatiale en orbite autour de la Lune ou atteindre Mars, c'est aussi gros que ça. Et pourtant, en 2010, c'est tout proche pour nous. Et l'ambition du président Kennedy, elle est grande. Les moyens qu'il va mettre à la disposition de la NASA sont gigantesque pour une bonne raison, c'est ce contexte de guerre froide. Les Soviétiques sont en avance sur les Américains. C'est ça l'enjeu. C'est la fierté nationale, au fond. Absolument. C'est de l'orgueil, d'une certaine façon. On fait vibrer la fibre nationale américaine. Et donc, oui, l'idée, c'est de battre les Soviétiques à la Lune. Les Soviétiques ont réussi le premier lancement d'un satellite, le premier homme dans l'espace, la première femme dans l'espace, la première marche dans l'espace. Alors, donc, il faut gagner quelque chose. Il faut marquer un point, finalement. Ouais. Et le point ultime, c'est d'atteindre la Lune. Et donc, on va mettre les moyens. Oui. 4 % du PIB, c'est ça que ça va vouloir dire au pic, là, les moyens à la disposition de la NASA. C'est vraiment énorme. En dollars constants d'aujourd'hui, là, c'est de l'ordre d'un... C'est un projet de 100 milliards de dollars. Oui. Mais c'est pas gagné. Vous le disiez, c'est un objectif qui est très, très ambitieux. Et la première mission Apollo, Apollo 1, qui va se dérouler en janvier 67, va tourner au cauchemar, littéralement. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est un test au sol. Alors, la fusée est assemblée, la cabine Apollo est au sommet de la fusée. Et c'est une répétition, en fait. C'est un test au sol. C'est une toute nouvelle capsule. Et malheureusement, il y a une explosion, en fait, un court-circuit qui se produit dans la cabine de pilotage. L'atmosphère ambiante est riche en oxygène et donc tout s'enflamme. Et malheureusement, les astronautes vont être carbonisés vif. L'écoutille dans laquelle on entre dans la cabine Apollo, qui ne s'ouvre pas facilement, elle est en fait vissée. Les astronautes, on mettra plusieurs minutes à dévisser l'écoutille et ce sera trop tard pour les astronautes. En fait, c'est tellement chaud que la cabine elle-même se déforme. Les techniciens voient la cabine se déformer de l'extérieur, le métal se déformer. Évidemment, ça va retarder le programme et ça va forcer à mettre des améliorations, des modifications qui vont, augmenter la sécurité. Mais on revient à la détermination politique, entre autres, qui est tellement grande que malgré ce revers important, les trois hommes qui vont périr dans cette mission Apollo 1. On continue. Ça retarde un peu, mais on continue. Oui, ça retarde d'environ 18 mois. Ce retard-là, ça, c'est assez fascinant parce qu'encore une fois, la détermination, elle est très grande. On va vouloir le rattraper. Ce qui fait qu'on va se diriger dans une phase où la vitesse d'avancement des missions Apollo va être littéralement frénétique. Je propose d'écouter un extrait de l'émission Atomes et galaxies diffusée en décembre 1969 qui témoigne justement très, très bien de cet état d'esprit qui règne à la NASA à cette époque-là. Le 21 décembre 1968, à bord d'Apollo 8, Frank Borman, James Lovell et William Anders entreprennent la longue ascension vers la Lune. La NASA, aiguillonnée par la concurrence soviétique et harassée par des pressions politiques, précipite les échéances. Apollo 8 devait en effet, selon le programme préétabli, s'en tenir à un vol sur orbite terrestre. Autre indice de précipitation, la décision de tenter le vol circumlunaire, même si le LEM n'est pas prêt. Le 24 décembre, Apollo 8 tourne autour de ce monde lunaire que l'œil humain, pour la première fois, contemple de près. Deux mois plus tard, le 3 mars, Apollo 9 est placé en orbite autour de la Terre. Le commandant James McDevitt et David Young, dans un exercice de haute voltige, simule sur orbite terrestre la manœuvre d'alunissage. La NASA, semble-t-il, manifeste encore son impatience, car le LEM n'a subi jusqu'ici qu'un seul essai de vol. Le 18 mars, Tom Stafford, Gene Cernan et John Young s'embarquent à bord d'Apollo 10 à destination de la Lune. En somme, une répétition générale, la dernière avant le débarquement des lunautes. La performance de l'équipage et de l'équipement apaisa les craintes provoquées dans le public par l'accélération du programme Apollo. La presse, cependant, reflétait encore une certaine inquiétude, car il restait à percer l'inconnu majeur et à tenter le risque ultime, celui de l'alunissage. La vitesse à laquelle va se faire cette course à la conquête de la Lune, à ce moment-là, Robert Lamontagne, ça donne le vertige littéralement. Pourquoi? Pourquoi tant d'empressement? Il y a des risques qui sont pris là qu'on ne prendrait plus aujourd'hui. Absolument. Le rythme des lancements est effréné. On a qu'à se souvenir un peu des missions de navettes spatiales qui étaient espacées de plusieurs mois. Parfois, il pouvait y avoir un seul lancement dans une année. Alors que là, coup sur coup, de décembre à juillet, on a Apollo 8, Apollo 9, Apollo 10 et finalement Apollo 11. Donc, c'est un rythme très, très grand. Et c'est aiguillonné essentiellement parce que réussir le défi, d'arriver avant la fin de la décennie. Et il y a des rumeurs qui circulent à l'effet que les Soviétiques ont repris de l'avance un peu, qu'ils vont peut-être réussir à poser, soit mettre des humains en orbite autour de la Lune, ou même poser des humains sur la Lune. Alors donc, chacun de son côté essaie là, de jauger ses cartes et d'essayer de gagner le pari. Oui, et ça a été un pari gagnant, mais vraiment, il y a probablement eu un facteur chance parce qu'on tourne un peu les coins ronds là, à ce moment-là. On avance très, certains diraient trop vite. Oui, on prend des risques qu'aujourd'hui, on ne prendrait plus. Ouais. Et on le fait avec du matériel qui a été très, très, très, très peu testé. Apollo 9 et Apollo 10, ce sont des missions de répétition avec un module lunaire qui n'était pas fonctionnel, qui n'aurait pas pu atterrir sur la Lune et revenir. Ouais. Le module lunaire fonctionnel, c'est Apollo 11. Parlons des trois hommes qui vont participer à la mission Apollo 11. Neil Armstrong, évidemment, Buzz Aldrin, Michael Collins. Qui sont ces trois hommes, Robert Lamontagne, et quel rôle jouent-ils respectivement dans la mission Apollo 11? Alors, Neil Armstrong, c'est le commandant de la mission. Alors, il va être l'un des deux astronautes à arriver sur la Lune. Buzz Aldrin est le commandant du module lunaire. Donc, qui va lire les jauges et faire le décompte. Et Michael Collins, lui, est le pilote du module de commande qui va rester en orbite autour de la Lune en attendant ses deux compagnons. Michael Collins va être appelé l'homme le plus seul de tout l'univers, faisant le tour de la Lune. Et lorsqu'il se retrouve de l'autre côté de la Lune par rapport à la Terre, il est vraiment le seul humain. Il est l'homme le plus seul, aucun contact radio avec personne. Ouais. Et puis arrive ce fameux alunissage le 20 juillet 1969 qui va précéder de quelques heures seulement le premier pas de l'homme sur la Lune. Neil Armstrong et Edwin Aldrin ont réalisé la plus grande épopée de tous les siècles, tout au moins depuis l'arrivée de Christophe Colomb sur les rivages du Nouveau Monde il y a près de 500 ans en se posant sur la Lune. Cet alunissage parfait, impeccable, mais risqué, s'est produit à 4h18 cet après-midi. Quelques instants auparavant, les deux astronautes, aux commandes de leur petit LEM, avaient survolé un champ couvert d'énormes blocs et, par suite du danger que pouvait présenter un tel relief, ils ont été un petit peu plus loin, à une courte distance de plus que le site numéro 2, c'est-à-dire l'aire d'alunissage prévu par la NASA. Ils ont aussitôt observé, en se posant et avec le plus grand soulagement, qu'ils se trouvaient dans un terrain plat, entouré de cratères, d'assez larges cratères qui mesurent de 50 à 50 pieds de diamètre. Ils ont dit qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais ils ont fait cependant observer qu'on peut noter du gris, du blanc ou bien du gris crayeux. Le LEM va passer une vingtaine d'heures sur la Lune et dans la nuit de dimanche à lundi, vers 2 heures du matin, Armstrong suivi d'Aldrin seront les premiers hommes à fouler du pied le sol de l'astre des nuits. Ici Louis Desroches à Houston. Revenons sur cet alunissage du 20 juillet 1969, Robert Lamontagne, parce qu'il nous en dit beaucoup. On parle un petit peu du profil des trois hommes qui vont partir en mission, dans cette mission Apollo 11. C'est des gens qui sont des scientifiques, des gens qui vraiment... Et l'alunissage nous en dit beaucoup sur leur habileté, sur leur formation. Ça ne se passe pas comme on l'avait prévu, cet alunissage-là. Non, en fait, il y a de nombreux pépins qui sont survenus, des erreurs de l'ordinateur de bord, entre autres, des problèmes de communication, des problèmes de radar. Et au moment même de se poser sur la Lune, Neil Armstrong, qui pilote le module lunaire, qui a pris les commandes en mode manuel plutôt que de laisser l'ordinateur de bord faire le travail, découvre qu'il n'est pas au bon endroit. Il avait étudié les cartes du site d'atterrissage et il connaissait l'endroit où il devait atterrir, un peu comme un pilote d'avion qui reconnaît tous les aéroports avec lesquels il est familier. Il ne reconnaît pas le terrain et l'endroit où le module lunaire allait se poser était un endroit beaucoup plus accidenté que prévu. Alors donc, il prend les commandes et il va essayer de trouver un endroit plus approprié, plus plat, pas trop incliné. Et à côté de lui, il y a Buzz Aldrin qui fait le décompte. L'altitude, la vitesse, combien il reste de carburant. Donc, il lit la jauge de carburant. Le personnel au sol à Houston a exactement les mêmes informations par télémétrie. La marge de manœuvre, elle est très, très mince. Et la marge de manœuvre diminue. Là. On passe la marque des 2 minutes de carburant, de 1 minute de carburant, et on va se poser alors qu'il reste moins de 30 secondes de carburant sur la Lune. Et il faut entendre les astronautes discuter avec le personnel au sol et de constater à quel point, là, tout le monde garde son calme. Il n'y a pas de panique. On sait que c'est tendu, mais on garde son calme. On sait quoi faire dans ces situations-là. On a été entraîné à régler des problèmes imprévus. Ouais. C'est Neil Armstrong qui aura le grand honneur d'être le premier homme à marcher sur la Lune. Pourquoi lui? Comment s'est fait ce choix-là? C'est quand même pas rien, là. En fait, il y a une espèce de légende à l'effet qu'il y a eu une controverse sur le choix. La question s'est réglée de façon très, très simple. Neil Armstrong est celui qui est à côté de la porte. Et donc, compte tenu de l'espace très exigu dans le module lunaire, Buzz Aldrin, qui normalement aurait dû être le premier, il ne peut pas passer. Alors donc, c'est Neil Armstrong qui ouvre la porte et qui sort dehors le premier, tout simplement parce qu'il est à côté. Formidable le coup de chance. L'impact que ça va avoir. Il y a 500 millions de personnes qui regardent cette télédiffusion. On est en pleine guerre froide. Quel impact ça a, ce coup de maître des Américains? Comment c'est reçu aux États-Unis, en Occident, un peu partout dans le monde? En fait, c'est célébré un peu partout. Ces gens-là deviennent des héros et c'est un exploit. Il y a au-delà de la réussite américaine, il y a une fierté de l'humanité d'avoir accompli quelque chose qui est absolument extraordinaire. Nous sommes, pour la toute première fois dans l'histoire de la vie sur notre planète, une espèce consciente d'elle-même qui atteint un autre monde et qui réalise la place qu'elle occupe dans le cosmos. Ouais. C'est aussi marquant que lorsque, on le mentionnait dans l'extrait, que lorsque Christophe Colomb et les Européens débarquent en Amérique, mais c'est aussi marquant d'un point de vue de la science, lorsque Galilée, Kepler, Newton réalisent que la Terre n'est pas au centre du cosmos, ouais, que c'est une planète ordinaire. Alors là, nous avons ici, pour la première fois, une espèce consciente d'elle-même qui connaît sa place, qui voit sa planète, finalement, ouais, qui voit la place qu'elle occupe dans le cosmos. Donc, geste important dans cette grande aventure humaine, sur le plan scientifique aussi, même si, puis on boucle un peu la boucle, sur le plan scientifique, Robert Lamontagne, on n'a pas profité pleinement de cette mission-là dans la mesure où cette mission-là, elle est et elle reste d'abord et avant tout politique, géopolitique. Oui, c'est l'orgueil, il faut gagner la course. Et je me plais parfois à dire qu'on est allé sur la Lune pour les mauvaises raisons. Ouais. Gagner la course. On a fait de la science, évidemment. On a déposé des instruments, mais la science, certainement dans Apollo 11, arrivait en second lieu. Ensuite, les missions subséquentes, il y a eu davantage de science. Même les dernières étaient des missions très clairement scientifiques et géologiques, là, à caractère géologique. Mais initialement, là, c'était réussir ce que les Soviétiques n'avaient pas fait. Exactement. Puis en ramenant un peu de roche, là, c'est un peu court, mais c'est ça qui s'est passé quand oui, même. Oui, tout à fait. Même Neil Armstrong, dans la liste des choses à faire... ils ont passé, en tout et pour tout, là, moins de 24 heures au total sur la Lune, ouais, et environ 2h30 à marcher sur la Lune. Et la première chose, là, c'est une fois qu'on met le pied sur la Lune, qu'on a dit notre petite phrase, c'est « ramasse un caillou, n'importe quel caillou, prêt ». Au cas où on doit repartir, on aura au moins une roche lunaire. Ouais. Mais en tout et pour tout, les 6 missions réussies ont rapporté environ près de 400 kilos, un peu moins de 400 kilos de roche lunaire, de nombreux instruments sur la Lune, dont certains sont encore fonctionnels, ouais, des miroirs qui servent à mesurer la distance entre la Terre et la Lune, entre autres. Robert Lamontagne, c'était comme toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Un plaisir. Robert Lamontagne, astrophysicien, coordonnateur du Centre de recherche en astrophysique du Québec. Merci également à Mathieu Beauchamp, la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Éric Saint-Pierre, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Ronald Georges et Pascal Michaud, à la technique aujourd'hui Pierre Plante. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.